dans la portion mishmash, oui, pour le récit pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2017. Je m'appelle Mathieu Plante, Tania Baudin a toujours congé, en tout cas la plupart du temps, dans la portion mishmash. Donc je vais être seul avec vous pour les 60 prochaines minutes et on va entendre les positions qu'on a oubliées avant de passer au top 10 dans la prochaine édition. Là où on était rendu, c'était les positions numéro 13 de la dernière fois. Avant de vous les dire, par contre, je vous annonce que plus tard dans l'émission, on va voir Palmer Rest in Peace, on va dire au revoir aux pièces qu'ils ont quittées. On va aussi faire C'était fou et on va retourner en 2003 du côté francophone tout à l'heure. Mais comme je disais, en 13e place, c'est là qu'on était rendu, en anglophone et en francophone, les deux descendent de la 6e. Donc on écoutera plus tard Teen Anger avec Fun Forgot, mais tout de suite voici Rosie Vallant et la pièce Synchro au Palmarès C'est fou. Another weekend night out on the street. All my friends have started moving away. Let's face it, these things will never stay the same.

Le classique, caprice psychédélique, des éclats harmoniques, kaléidoscopiques. Enchanté. Bariolage, grimage ou maquillage, la fête des mirages, des masques sans visage. Miroite-moi, aime-moi, s'il te plaît, fais-moi croire, admire et emmène-moi loin d'ici. Lot. Pour ce numéro 12, on a le funk qui monte de 8. C'était nouveau la semaine passée. Avant, c'était Rudy Bernard qui descend de la 5e, 6e semaine de présence. Et avant ça, les positions numéro 13 en anglophone, Teen Anger avec Fun Forgot. Et en franco, Rosie Valant avec Synchro. Les deux descendent de la 6e place. Avant de passer aux prochaines positions, Cherry Cherry et Cold Specs, c'est le moment de passer à Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. 23 au 29 octobre 2017. On a commencé avec Betrayer qui s'est envolé avec les étoiles, ça a duré 6 semaines. Paupière a fini par fermer l'œil avec Defunct Lune de Miel qui a duré 7 semaines. Cheap Trick et finit par repartir parce que ça faisait longtemps, tu sais, qu'il était là quand même. Long time coming avec 7 semaines. Steven Wilson s'est fait raplatir les cheveux, je pense. Mais c'est pas permanent, c'est permanenting, mais j'ai pas joué de moi avec ça. Ça a duré 7 semaines. Et finalement, Queens of the Stone Age s'est fait donner un coup de pied dans les fesses avec Feet Don't Fail Me qui a duré 7 semaines. Donc quand même 4 pièces de 7 semaines et une de 6. Des pièces marquantes des palmarès depuis les dernières semaines. Maintenant, on retourne dans le présent, donc la semaine du 30 octobre au 5 novembre. On était rendu aux positions numéro 11. En anglophone, c'est Cold Specs avec Wild Card qui monte de 2. Mais en francophone, ça monte de 9, la moitié du palmarès. C'était nouveau la semaine passée. Voici Cherry Sherry avec Tragédie. Alors, tout c'est beau. Au palmarès, c'est fou! Je n'ai jamais été et je ne serai jamais un poète insensé parce que j'écris à la craie. Monde de deux places par Cold Specs en anglophone. Et avant ça, c'était Cherry Cherry avec Tragédie en Tuxedo qui monte, elle, de la 20e place. En position, Colin, je viens de regarder ça. On vient de passer les 11e et on ne va pas au 10e. Ce n'est pas le but de la portion mishmash de l'émission. Non, non, non. Ça veut dire qu'on est rendu à Colin. Déjà, il nous reste encore une demi-heure. C'est le moment de passer à notre superbe excellente chronique où on retourne dans le temps. C'est le 20e anniversaire de C'est fou en ce moment. Donc, on en profite pour retourner dans le passé. Voici la chronique. C'était... C'est lequel? C'est celle-là? C'était fou? C'est lequel? Colin, t'as un peu. C'est ici? Ouais, c'est ça, je te gâche. Ouais, exact. En tout cas, c'est ici, là. Ah, voilà. Et boy. C'était douteux, ça. Donc, C'était fou, c'est le segment où on recule en arrière dans le passé. Comme je disais, 20e anniversaire, donc en 1997, que C'est fou a été fondé. Jusqu'à maintenant, on a entendu des extraits de plein d'années. Là. On est rendu en 2003. Du côté francophone, on va entendre... on a entendu le top 3 la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière, ça fait peut-être 3-4 semaines de ça qu'on n'a pas eu de C'était fou. En troisième francophone, c'était Vénus 3 avec Si tu rêves. En deuxième, Alligator Trio avec Hier au soir. Et en première place, Antoine Graton avec Jack. Du côté anglophone, si on regarde un petit peu ailleurs dans ce même palmarès, il y avait 30 positions à ce moment-là. Donc, on avait dans le palmarès de l'année Perfect Circle, The Deers, White Stripes, deux pièces d'Evanescence quand même, Porcupine Tree, Jet, Marilyn Manson, Iggy Pop, Seven Dust, Placebo, Opeth, Coldplay, Billy Talent, I'm a Robot, Three Days Grace, Archive, The Darkness... Jane's Addiction et Porcupine Tree. Vraiment beaucoup, beaucoup de gros groupes connus en 2003 dans nos palmarès. Le top 3 est composé de Sloan en 3e place avec Backstabbin' sur l'album Action Pack qui était numéro 1 pendant 3 semaines en octobre 2003. En 2e, ce sera Thunder avec Loser sur l'album Shooting at the Sun qui a été numéro 1 pendant 2 semaines en septembre et en octobre. Et en première place, Detroit Philharmonic Symphony avec It's All Over for El Presidente sur l'album Sweet Testimony. Et ça a été numéro 1 pendant 2 semaines au mois de juin et de juillet. Donc, c'est le bloc C'était fou et ça commence maintenant. Yeah! C'était le top 3 de l'année 2003 en anglophone dans le bloc C'était fou. On a entendu au tout début du bloc la position numéro 1. Un jour, je vais me rappeler de les mettre dans l'ordre inverse. Donc, on a débuté avec le numéro 1, Detroit Electronic Symphony avec It's All Over for El Presidente, qui a passé 11 semaines dans le palmarès à ce moment-là. En deuxième place, au milieu, c'était Thunder avec Loser sur l'album Shoot at the Sun. Et on vient de terminer ça avec Backstabbing par Sloan sur l'album Action Packed. Voilà. C'est tout pour le bloc C'était fou. Et maintenant, on transitionne d'une chronique à une autre, comme on le fait une fois de temps en temps. Voici Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, c'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, c'est la section où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, ce n'est pas seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, ainsi qu'un top 10 loud. À côté des belles entrées, dans le top 30 des albums, il y en a pas mal, hein? En 30e place, on retrouve Weaves avec l'album Wide Open, en 26e, Destroyer avec l'album Ken, et en 24e, c'est Mauna avec Tuning. Ensuite, en 20e place, et là, les trois autres, on les a déjà entendus dans l'émission, dans la portion nouvelles entrées. Donc en 20e place, Enter Shikari avec To The Bone. Non, The Spark, pardon. To The Bone, c'est Steven Wilson. À 19e place, J.D. McPherson avec Undivided Heart and Soul. Et en 18e place, c'est The Deep Dark Woods avec Yarrow. Au top 3 du top 30 des albums, en 3e place, l'ancien numéro 1, Ben Sinister avec The Other Way EP. Et en 2e place, c'est stable, The Pack AD avec Dollhouse. Évidemment, je conserve le numéro 1 pour moi pour ne pas divulguer qui est au sommet du palmarès anglophone. Même chose dans le top 3, dans le top 3 des disques canadiens. En 3e place, l'ancien numéro 1, Ben Sinister avec The Other Way EP. En deuxième, c'est stable The Pack AD avec Dollhouse. Et en première place, à déterminer. Dans le top 10 loud, une seule nouvelle entrée. C'est la 9e place, Ne Obliviascaris avec l'album Urn. En 3e place, c'est Radio Moscow avec New Beginnings. En 2e, Flesh Killer et l'album Awaken. Et finalement, en première place, stable, c'est Enslaved avec l'album qui porte simplement le nom de I, comme dans la lettre E. Voilà, donc pour Ailleurs dans les palmarès. Et bien sûr, comme on a du temps en masse aujourd'hui, je vous ai choisi 3 extraits. Donc on va entendre ceux qu'on n'a pas encore entendus, en fait. Comme j'avais dit tantôt, il y avait 6 nouvelles entrées dans le top 30, 3 qu'on a déjà entendues et 3 qu'on n'a pas entendues. Donc on va entendre plus tard Mauna et Destroyer, mais on débute avec la formation Weaves en 20e place du top 30 des albums. L'album qui se nomme Wide Open et la pièce, elle, est Slicked tout de suite. Ailleurs dans les palmarès. Oh. sense, like I'm a psychic, staring through you. Feel your emotions, stumble commotion. These are my feelings, feelings for you. Skipping with Eddie, light is a fairy. Bodies are moving, missing like two. Thank you. complex, my soul's in ancient grave. C'était Mauno, qu'il faut prononcer, avec la pièce How Long sur l'album Tuning. Nouvelle entrée, on va dire, en 24e place du top 30 des albums. Avant ça, on a entendu Can, l'album de Destroyer. Et la pièce, elle, portait le titre de... Je vais la voir. Tinseltown, Swimming in Blood. Et ça, Destroyer, c'est le groupe du fondateur des New Pornographers. Et au tout début du bloc, on a entendu Wide Open, l'album de Weaves, et l'extrait était Slicked. Voilà. Et c'est compliqué, ça, à trouver. Bref, c'est là-dessus que se termine le bloc Ailleurs dans les palmarès, et c'est là-dessus aussi qu'on termine l'émission d'aujourd'hui, ou cette portion des palmarès. Il faut, on se retrouve la prochaine fois, en direct du lundi au jeudi, entre midi et 13h, édition week-end, les samedis à partir de midi. La prochaine fois, ce sera le top 10, et Tania Baudin va être de retour. Passez une superbe journée.